La famille de Zhang Weifa, martyr révolutionnaire chinois anti-japonais, a fait parvenir le 30 décembre une corbeille de fleurs au dirigeant suprême Kim Jong-un à l'occasion du 5e anniversaire de sa promotion au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée et de la nouvelle année 106 du Juche 2017. Le même jour, Chung Il-sim, femme du héros de la République Han Dong-soo, lui a fait parvenir une corbeille de fleurs à l'occasion du nouvel an 106 du Juche 2017.